Charlize. Alors, voilà, mais si tu disputes, faut qu'on s'arrête. Des fois j'appuie, je te fais sentir mon malheur. Tu m'as zappé, je t'avais mis le cœur sur la lèvre. Je sais que tu me veux moi, je sais que tu t'en tapes de mes palettes. Voilà, mais toutes ces disputes, faut qu'on s'arrête. Des fois j'appuie, je te fais ressentir mon mal-être. Tu m'as zappé, je t'avais mis le cœur sur la lèvre. Je sais que tu me veux moi, je sais que tu t'en tapes de mes palettes. Voilà, mais elle est bonne, bonne, bonne. Elle veut mon cœur, moi j'y donne, donne, donne. Comme je l'aime, je m'étonne, donne, donne. Moi la vie c'est les bonnes, bonnes, bonnes. Elle veut mon cœur, moi j'y donne, donne, donne. Comme je l'aime, je m'étonne, donne, donne. Qu'elle m'a pas vu. Elle est coincée à côté de moi. Je pense encore à elle quand j'ai bu. J'ai son sourire dans ma mémoire. Je me demande d'où elle sort cette fille. Parce qu'elle a tout pour elle. Les heures passent, je regarde les aiguilles. Je rattraperai le temps pour elle. Et quand le verre de votre cœur au monde, on voit nous deux dans un autre monde. Si tu m'aimes la mise, y'a que ça qui compte. Voilà, mise, toutes ces disputes, faut qu'on s'arrête. Ça, il faut sentir mon mal. Tu m'as zappé, je t'avais mis le cœur sur la lèvre. Tu me veux moi, si tu t'en tapes de mes palais. Voilà. Elle est bonne, bonne, bonne. Elle veut mon cœur, moi j'y donne, donne, donne. Comme je l'aime, je m'étonne, donne, donne. Elle veut mon cœur, moi j'y donne, donne, donne. Comme je l'aime, je m'étonne, donne, donne. Bon. Est-ce que c'est possible d'abord, avant de rééteindre, je veux voir ma team vite fait. J'ai envie de regarder, j'ai envie de... Vite fait, vite fait. C'est possible de m'allumer le stade, s'il te plaît. Parce que là, j'enchaîne, mais ça va passer trop vite. Faut que je regarde, faut que... T'as compris, c'est pas beaucoup de fois dans la vie, ça. Je vois tout le monde là-bas. Ouais. Allume un peu, tu peux pas allumer là, un peu? Je vois pas ma team. Et merci la zone. Et ouais. Merci bien que je regarde un peu sur ma vie. C'est... On profite pas nous. On déguste pas nous. Ah. Bon ma team. Et vous savez quoi, on va profiter. On va se poser sous la lune tranquillement. En plus j'ai pris ma petite chaise de guetteur. Pépère. Par contre, est-ce que vous avez les applis sur vous? Vous avez l'appli sur vous, l'appli Joule? Si vous l'avez, sortez là. Merci bien la zone, je le vois déjà qu'il y en a qui l'ont sorti. Merci bien. On va faire briller le vélodrome ce soir.